Ok. Merci. The next song, do you know bitches? There's a lie. Okay. Sol. G. No drum. No drum. Qui joue là? C'est un vrai batteur. Ah, c'est toi, Mike. C'est pas grave. Zap la batterie pour le moment, je vois. Attends, je te mets les accords. Comment je joue? D'accord, ça va pas. dans l'ordre. Pas 64, je me suis trompé, putain, attends, je me suis trompé de mesure. Oh merde, je crois que j'ai fait une connerie. Sorry, 32. Il y a un gros retard quand je tape. Everybody say to do each and every Thank you.